semblerait qu'à 40 ans, que l'on appelle le plus bel âge, l'homme aurait apparemment tendance à devenir volage. Il se tartine à l'antirie, s'abonne dans les salles de sport, s'achète les derniers bolides et des pompants alligators. Ils veulent des poupées russes, des plantes de caractère, un petit adultère pour chasser l'ordinaire. Ils les prennent souvent jeunes et plutôt très jolies. Y'a pas Forest et Fun, et pour le reste, tant pis. Le soir en boîte de nuit, regarde plus que les films d'auteur, arrête d'écouter Nostalgie et rêve de devenir acteur. En semaine ils vont chez Yves Rocher pour faire un gommage de la peau, épiler, manucurer pour paraître encore plus beau. Pour chasser l'ordinaire, ils les prennent souvent jeunes et plutôt très jolies. Y'a pas Forest et Fun, et pour le reste, tant pis. Tant pis! Ils s'inventent des séminaires, des week-ends chiants tractionnaires. Paradis en bord de mer qui ne reçoit pas SFR. Il l'appellera de temps en temps, faut pas qu'elle doute, c'est important. Promis, le week-end suivant, ils iront voir ses beaux-parents. Ils veulent des poupées russes, des plantes de caractère, un petit adultère pour chasser l'ordinaire. Ils les prennent souvent jeunes et plutôt très jolies. Y'a pas pour rester fun, et pour le reste, tant pis. Tant pis. Я забыл, где тот вечер, если ты хочешь.